Exercice 6, page 140. A. Quand est-ce qu'on goûte? B. Quand est-ce qu'on chante? C. Quand est-ce qu'on monte? D. Quand est-ce qu'on danse? E. Quand est-ce qu'on dîne? F. Quand est-ce qu'on dort?